Vous êtes à l'écoute de... Le Trangena. Le Trangena. Le Trangena. Voilà, donc vous êtes vraiment à l'écoute de Trangena, l'émission anarchiste de Radio Air Libre, comme tous les mercredis soirs de 20h30 à 22h. Si tout va bien. Voilà, si tout va bien. Ou si on continue un peu plus loin après, on ne sait pas. En tout cas, notre adresse est le 365A Chaussée d'Alsenberg, 1190 Bruxelles. Notre numéro de téléphone, si vous voulez nous appeler, le 02 344 58 55. 02 344 58 55. Voilà, ce soir, nous avons un groupe musical qui s'appelle Hermanos Perdidos, c'est ça ? Voilà. Yes. Les frères perdus, ça veut dire pourquoi Hermanos Perdidos? Vous savez pas? C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Mais en gros, on est plus ou moins une famille, plus ou moins, ouais. Et on a toujours un peu des frères et sœurs qu'on a trouvé, qu'on a perdu. Alors finalement, on a décidé que peut-être c'est notre destin. Du coup, on va s'appeler Hermanos Perdidos. Okay. Du coup, comme on fait beaucoup de musique latine, on a choisi un nom espagnol. Super. Et vous faites de la cumbia, d'après ce qu'on m'a dit. Oui. Entre autres. Entre autres, oui. C'était une influence qui nous a marqué beaucoup ces dernières années. Et puis, après, on fait plein de trucs différents. En gros, on s'est pas dit on veut faire la cumbia, on s'est dit on fait la musique qu'on aime. Et puis, du coup, il y a beaucoup de différentes influences. Ok. Bon, on passe une petite musique, comme ça vous pouvez vous installer. Et puis, par après, vous allez jouer des musiques et on va en discuter un peu plus. Hein, si ça vous bien, si ça vous va. Yeah. Cumbia para mi tierra y Voilà. Donc c'était, comment ça s'appelle, Aurita Castillo, avec Tian Bacu. Voilà. Donc Los Hermanos Perdidos, quelle chanson vous allez jouer d'abord? Ben, on va jouer une chanson qui s'appelle Hasta la Libertad. Et puis c'est une cumbia, évidemment. Et puis on avait écrit dans une le titre Jusqu'à la Liberté. J'ai traduit bien. On l'avait écrit dans la pensée aussi un peu. Peut-être il faut expliquer la cumbia, c'est né entre rencontre entre les esclaves africains en Colombie. Et puis les Indios qui habitaient là-bas. Et du coup, cette chanson parle aussi un peu de cet esprit-là que, d'un monde un peu fermé, en esclavitude. On veut arriver à un point dans le monde où les gens sont plus libres, que tout le monde puisse vivre en liberté. Ok. Allez-y à votre aise. Wow. Vamos. No me digas, no me digas que somos marionetas. Mira abajo, por arriba que maneja nuestra vida. Vamos, vamos, vamos. Cuando es el día que rompemos las cadenas. Vamos, vamos, vamos. Hasta la libertad, compás sin rumbo, hasta el norte, hacia el sur. Compás te veo entre la luna y el sol. Compás sin rumbo, hasta el norte, hacia el sur. Compás te veo entre la luna y el sol. Ahora y destruye el concreto. Vamos, vamos, vamos. Hasta la libertad. Compás sin rumbo hacia el norte, hacia el sur. Compás de veo entre la luna y el sol. Compás sin rumbo hacia el norte, hacia el sur. Compás de veo. Te veo entre la luna y el sol. bravo, c'est génial. Voilà, bah écoutez, c'est super. Je suis encore toute retournée. Non, je voulais savoir, vous venez de Suisse tous. Je voulais savoir pourquoi vous faites des chansons plus latino-américaines. C'est pas facile la question. Pourquoi on fait cette musique? Je pense que ça a à voir quelque chose avec notre guitariste qui n'est pas là, qui s'appelle Christian Ampassa. Et puis, il vient de Bolivie. Ah. Et on a commencé à trois, avec trois guitares. Et je sais que ça, on a fait des improvisations, on a un peu cherché des recherches, qu'est-ce qu'on va jouer. Après, à la fin, on a joué ce qu'on voulait jouer. Après, ça a pris une direction vers un peu la musique latine. On a découvert la cumbia. Aussi, la cumbia, ça existe en Colombie, mais ça existe là, en Pérou et Bolivie. Et, ouais, comme ça, on a un peu le chemin jusqu'à la cumbia. Et ouais, c'est ça, on peut un peu trouver ce qu'on aime, ouais. Ok, et ça fait combien de temps que vous existez? Ouais, en tant que groupe complet, là. Ouais, cette formation, c'est assez nouveau, ça change beaucoup, mais on a commencé il y a 7 ans, mais ouais, ça c'est des expériments, au début c'était vraiment des expériments, après, ouais... Il y a 6 ans, ça formait un peu, ça continuait plus. Et vraiment, Hermanos Perdidos, ça existe depuis 3 ans, 3 mm-hmm. ans et demi. C'est vrai, je te dis. À peu près, ouais. À peu près. Ouais, ouais. Et y a, comme Grégory l'a déjà dit, il y avait toujours des gens qui sont venus et des gens qui sont partis. Ça fait 6 mois, un percussionniste. Un frère aussi l'a arrêté et puis on a retrouvé un autre frère, Kaspar, qui est là maintenant, qui joue la trompette, la guitare et ouais. Je pense que c'est pas évidemment, mais on a toujours trouvé des gens qui sont vraiment... On dit toujours qu'on est un peu une famille. Et c'est vrai d'un côté, il y a beaucoup qui sont... On est des frères et sœurs. C'est vrai, il y a un frère qui a la même maman, mais pas le même père, tu vois, c'est un peu famille. Mais aussi, le mot famille, ça a un sens plus grand pour nous. Et on a toujours trouvé des gens qui sont vraiment une partie de la famille, ou qui sont devenus une partie de la famille. Je dis un peu. C'est vrai. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, Et on peut refaire une autre petite chanson, peut-être? Ben oui, tout à fait. Mm-hmm. Qu'est-ce ouais, que vous allez jouer? On va faire une chanson qui s'appelle Tsigani. Et c'est une chanson qui est un peu plus vieille. Et puis, elle est aussi elle est chantée en suisse-allemand. Ah! Et, chouette. Ouais. Du coup... Thank you. promenade, promenade, puis je peux vous voir ça. On me flugue, on me flugue, ouvre le fort. Et me vite, résiste le maillet. Non, je ne veux rien de fait, le casse de la cache. Fiori! Promenade, promenade, puis je peux vous voir ça. De quoi parle cette chanson? Cette chanson, elle parle en fait de... Il y a un sens, dans un sens que viens danser avec nous. Mais en même temps, c'est aussi un peu une... ça réfère à la mythologie grecque de Icarus. Alors, si tu danses trop, il faut faire attention de ne pas tomber trop fort. Ah, ok. et donc vous faites là, vous êtes en tournée un peu en Europe ou parce que la Suisse n'est pas l'Europe. Oui, c'est ça. Ouais, du coup c'est moi qui reprends un peu. Ouais, vous êtes en tournée un peu ici en Europe. Ouais, alors surtout en Belgique en ce moment. Surtout en Belgique, oui. On a fait une date en France et une en Allemagne, mais c'était carrément la Belgique ces derniers temps et maintenant, là. À savoir que demain, on est à la guinguette du Parc de Forest, donc en fait... Demain soir. Ouais. À quelle heure? On commence à 20h le concert, donc venez prendre l'apéro à 19h. Ça va. Ça vaut la peine. Mmh. Vendredi soir, on est à l'Archiduc, donc ça, c'est aussi vers le centre, c'est un peu plus loin du coup. Après ça, on va dans une ferme, ça c'est un concert surprise. Donc c'est réservé à ceux avec qui on parle. Après ça, on revient à Bruxelles une fois. On jouera à Liège le 14 à la Quilone. Qu'est-ce qu'on a encore? Et après, on retourne en Suisse. Ah oui. On retourne en Suisse. Ben, après, je sais pas si tu veux que je te fasse jusqu'à la fin de l'année. Mais après, du coup, on va en Autriche. On revient en Suisse. On va en France, on revient en Suisse, et après on va rejoindre notre frère qui est en Bolivie, du coup, en novembre, là. Ah, vous allez carrément en Bolivie aller jouer là-bas? Ouais. Ah oui. Le 4 novembre. Ah, ben c'est bien ça. Ouais, trop bien. Ouais. Nous, on se réjouit de le voir, ça fait un moment que là, il est parti en octobre l'année passée, du coup. Ok, et alors, donc vous êtes assez connu, finalement, pour faire des tournées. Bien connu, je sais pas, mais en tout cas, on est motivé. Vous êtes motivé. Et on a travaillé dur. Parce que c'est pas évident de Suisse de se faire connaître, avoir un groupe et tout. Bien, après, c'est. On avait joué une fois à Bruxelles et une fois dans un festival. Et de ce festival-là, ouais, non, et puis c'est non, ça. Pas du tout. Donc vous avez joué devant en se disant peut-être que l'année prochaine, on sera dedans. C'était l'idée, ouais. Ben, c'est bien. Mais il y a des gens qui vous ont remarqué. Eh bien, écoute, oui, il y a l'avenir. Je ne sais pas, c'est un média, je crois. Ouais. L'avenir qui nous ont vus et Culture Branchée ou quelque chose comme ça, qui ont fait un article sur nous. Et c'était quoi la radio, là? Tu te souviens du nom? Ouf, c'est aussi un radio de Namur, mais je ne sais plus. Oui, de Namur. Mais ouais, après, il y avait beaucoup de monde qui s'est arrêté, qui ont fait la fête avec nous, qui ont dansé. C'était, je pense, pour des gens qui étaient motivés, c'était un peu un extra. Tu sors du festival et après, il y a encore un groupe. Parce que c'est assez chouette, tu sors du festival et il y a des petites rues du village. Et après... À un coin, on a joué jusqu'un peu mode la musique la rue. Mm-hmm. Et il y avait des gens qui voulaient encore faire la fête et ils ont fait la fête avec nous. Ah, super. Là, c'était assez chouette, ouais. Oui, alors peut-être que vous avez été remarqué par les organisateurs du festival. Là, très honnêtement, c'est un peu l'espoir. Mais après, ben, on est bien conscient que tu vois, on est un petit groupe et que, ben, on tend que ça avance, tu vois. Parce que l'Espéranza, il ne favorise pas les petits groupes. Et écoute, j'ai aucune idée. Ils ont plutôt des têtes d'affiche et c'est vrai que je crois qu'ils ont une scène qui est dédiée aux petits groupes, aux coups de cœur et aux choses comme ça. Ouais. Écoute, on verra. Ouais. Ouais, et puis tu vois, c'était pas forcément. Enfin, là, tu vois, je te dis, on a joué devant pour jouer peut-être dedans, mais l'expérience était très belle et on continuera de jouer. Nous, ce qui est important, c'est plus de jouer. Bien sûr. Mmh. Et là, tu vois, la semaine d'avant, on était à la petite foire. Oui, tout à fait, oui. Pour ça, on a rencontré Hans, oui. Ouais, à fond. Et tu vois, du coup, pourquoi on est là maintenant et c'est que ça, en fait, la musique pour moi. Ça, c'est okay. Qu'on se trouve et on. Voilà, c'est une occasion, quoi, d'être là et maintenant. Et c'est beau d'être là avec vous, tu sais. Oui, surtout que c'est improvisé. C'était pas prévu dans votre cheminement. Pas du tout. Le cheminement européen. Non. Ouais, moi je pense que c'est. Je parle de moi, je ne veux pas être connu, tu vois. C'est je veux seulement continuer avec la musique. Mm-hmm. Et dès qu'il y a des gens qui aiment écouter et danser avec notre musique, ça continue. Mm-hmm. Et c'est ça. En tout cas, pour moi, je ne sais pas combien stars, je ne sais pas quoi. Mais... Non, c'est clair, c'est ça. Mais c'est que l'idée que du coup. Pour être programmé, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui ait une idée, donc à fond. Ouais. En fait, c'est juste ça, en fait. Nous, on pourrait juste jouer. Après, il faut que les gens ils aient la confiance de dire « Ok, ben, tu viens jouer, quoi. » Mais alors, jouer une chanson. Allez. Si ça vous dit. Ce sera laquelle? Eh ben là, c'est quoi? Adelante ou quoi? Adelante, oui. Okay. Adelante. Otra cumbia. Porque para atrás no se va, no se va. Somos unidos en la calle de nombre. Echa para adelante porque para atrás no se va, no se va. Somos unidos en la calle de nombre. Vida, vamos a romper. Vida, hermano. Thank you. marcia pa'lante perché patria non se va. Como son los unidos en la calle ante. Echa pa'lante perché patria non se va. Como son los unidos en la calle ante. Echa pa'lante porque patrán no se va, somos unidos en la calle adelante. Echa pa'lante porque patrán no se va, somos calle adelante. Beaucoup en Suisse? Ouais, pas mal. Ouais, ouais, à fond. Ben, là, en fait. Ouais. Trop, non. Non. Moi, j'ai pas signé avec mon son. Non, je suis le plus jeune frère ici. Et quand j'ai commencé à jouer avec Hermanos Perdidos en janvier, on a dit oui, tu joues ces deux concerts là-bas, ouais, on va jouer. Ah, on a joué un peu plus. Et puis deux semaines après, c'était ah, qu'est-ce que tu fais en juin? Et, tout est juin, c'était passé, il n'y avait plus de week-end. Et puis on va en Belgique, ça va pour toi? Ouais, oui, c'est bon, c'est chaud, j'aime beaucoup ça. Pour moi, c'est très beau. Familialité, on dit ça, oui. C'est comme une famille. C'est familial. Très familial, très familial. Oui. Du point où on ne demande pas, on juste présume que ça va aller. Et puis ça va, et ça va très bien parce qu'on est des frères. Oui, c'est fantastique, oui. Mais heureusement que tu étais disponible. Oui, ouais. On a raison, les gens. Ouais, des fois c'est un peu dur. Il faut dire qu'on n'est pas disponible. Il faut se battre aussi. Non, je ne suis pas là. Et après, oui, parce que là, quand il faut faire une tournée en Belgique, il faut quand même être disponible pendant toute la tournée, parce que c'est compliqué. Quoi, ouais. Après. Ouais. Après, ils sont. C'est tous les week-ends, tu vois. C'est absolument tous les week-ends où on joue, tu vois. Enfin, il y a la tournée belge qui est effectivement tous les jours. Mais après, il y a du coup tous les week-ends, là c'est en Suisse, là. Après, il y a la tournée autrichienne, c'est tous les jours. La tournée en France, c'est tous les jours. la tournée en Sud-Amérique, c'est... Là, c'est aussi... voilà, c'est... Là, vous êtes parti jusqu'à quand, alors? Du coup, bah, de début novembre jusqu'à fin janvier au plus tôt. Fin février serait mieux. Ouais, on espère qu'on arrive à faire jusqu'à fin février. En tout cas, ben, j'espère qu'on fait jusqu'à fin février, en tout cas. Mais jusqu'à fin janvier, sûr, on tourne en Amérique du Sud. Oui, il faut faire de la carrière. Vous serez en Amérique du Sud, là-bas, en fin janvier. Oui. Début novembre. Début novembre à fin janvier. Mmh. OK. Ouais, l'idée, c'est aussi... En plein été, alors? À fond. vous avez bien choisi. Ouais, c'est aussi, on travaille un peu sur un nouvel CD. Et du coup, on espère aussi pouvoir travailler... aussi jouer, mais aussi travailler un peu dans un pays où c'est l'origine de notre musique. Et voilà, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Et votre camarade bolivien, votre frère bolivien, il va revenir avec vous en Suisse après? Ben, on va l'attacher. Mais pour ça, on va le chercher. Sinon, il ne revient pas lui-même. Là, vous restez là-bas. Ah, ça, c'est peut-être l'autre possibilité. Non, on a des choses quand même. Il y a le concert qui commence. Ouais, on a Esperanza 2020. On doit jouer là. Donc, on doit revenir, tu vois. Dans tous les cas, on doit revenir. Pour ça, non? Oui. Tu es disponible pour la Belgique 2020. Allez. Vous êtes tous témoins, n'est-ce pas? Ouais. On refait une autre petite musique ou vous voulez vous reposer encore un peu? Je peux mettre d'autres combias si vous voulez. Pour se reposer, c'est... On peut jouer encore. Moi, je suis motivé de jouer. On joue tout le temps, c'est bien. Allez-y. On est mieux à jouer que... Ah bah allez-y alors, on vous écoute. Ouais, j'aime bien son... Vous êtes là pour ça, hein, vous êtes... Oui. C'est pas Kungia, mais c'est quand même une de nos chansons. Oui, oui, allez-y. C'est pas seulement Kungia. It's a naked song. On ne sait pas pourquoi, mais c'est... On ne sait pas pourquoi il s'appelle, mais il s'appelle... Parce que Gregor a dit, c'est... Chanson tout nu. Tout nu. À poil. À poil. Donc on va se mettre à pas... Non, on va pas faire parce qu'on n'est pas en télévision. Bon. Non, c'est la seule raison pour le faire. Ouais. Mais en télévision, ça marche pas. Le son de Snudo. Hay que ser. ser limpio, hay que ser amable, hay que ser puntual y nunca más tarde. Hay que ser rico y inteligente, hay que ser original para no tan diferente. En ropas coloridas, estás el perico, si ya te desnudo. Saliendo, corriendo, comprar, comprar. Saliendo, corriendo, hay que parar. Dire après ça. Il fait chaud, hein. Il fait chaud maintenant. Ouais. Oui, il fait chaud, oui. Il fait vraiment chaud. Vous voulez qu'on se repose un petit peu, peut-être? Bah, écoutez, je vais mettre une petite chanson et puis on discutera comment on fera pour la suite. Oui, ça va. Ouais. Ok. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Thank you. Sur Tranche d'Anard. Là, on est tout éblouis par toutes ces chansons en direct. En plus, nous, on est vraiment aux premières loges. C'est super. On a un concert pour nous tout seuls. Ça ne nous est jamais arrivé. Et les auditeurs. C'est à refaire, hein, de toute façon. Hein, il faudra réinviter. Si, on a fait une fois avec quelqu'un d'autre. Et donc, c'est un groupe de quatre hommes, là. Il y en a un cinquième qui est en Bolivie, mais qui n'est pas là pour le moment. Et deux femmes. Bonjour les femmes. Guten Tag. Guten Abend. Ich spreche ein bisschen Deutsch, aber nicht so viel. Wie geht es? Gut. Ich spreche ein bisschen. Auf Deutsch? Ja, ich mache Translate. Okay, ouais, moi je fais la traduction. Wie geht's? Ja, gut, es ist voll schön, mit Hermanos Perdidos zu spielen und ja. C'est super de jouer avec Hermanos Perdidos. Ja. Ouais. il faut dire que c'est un peu extraordinaire. C'est Amina qui a parlé, elle n'est pas toujours là, elle vient d'Autriche, de Vienne. Et ouais. Ah. Moi aussi, j'habitais en Autriche. On est venus ensemble de maintenant de faire ce tour de jouer. Et Amina fait la percussion et c'est vraiment cool qu'elle fait. Et c'est hyper rare. C'est justement assez rare qu'il y ait des femmes en percussion. Ça, je peux assez le dire. C'est assez rare en percussion. Ouais, c'est assez rare. Il y a quelques femmes qui sont mais genre incroyables en percussion, mais c'est dominé plutôt par les hommes. Ah et ouais. Tout le music business. Ah ok, ok. Et l'autre jeune femme qui est là-bas, elle veut pas nous dire quelques mots. Comment se sent-elle ici en Belgique avec tous les concerts? Comment ça s'est passé? Attends, y a un micro là. Bien, oui, c'est bien passé. Bien passé. Oui, non, très bien, oui. C'est oui. Trop cool la Belgique. C'est trop cool la Belgique. Oui. C'était la première fois que vous veniez en Belgique? Non, l'année passée, on était déjà là. Oui. L'été. Oui. Ouais. Et donc vous allez revenir nous voir bientôt, alors, en 2020 pour Esperanza. Oui, c'est ça, oui. C'est clair. On espère. Voilà, il faut qu'on fasse un peu de publicité pour que vous puissiez venir. Ben ouais, s'il vous plaît. Voilà. Ça. Ouais. Et donc vous faites partie, toi tu es la sœur de deux personnes ici. Donc vous faites partie d'une famille de musiciens. Oui. Votre père était organisateur de concerts, je crois, d'après ce qu'on m'a dit. Oui, oui, oui. Et c'est ça qui vous a permis de vous lancer dans la musique et Je ne sais pas si c'est ça. Pour moi, c'était toujours quelque chose de très important dans ma vie. Ah. Mais je ne sais pas si c'était le père qui m'a influencé. Oui, mais ça favorisait le fait que vos parents puissent accepter que vous fassiez de la musique. Oui, peut-être l'acceptation, oui, mais c'était l'intérêt qui est venu, ouais. Je sais pas. Et vous jouez de la musique depuis longtemps? Oui. Depuis toute petite? Ah oui. Ah. Et vos frères aussi? Oui. Ouais. Puis moi, je sais pas, je suis la plus jeune, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Ouais, peut-être là c'est un bon moment d'introduire les noms. Ben ça c'est Daria et il y a Grégor qui joue la contrebasse qui est à côté de moi. Oui. C'est le plus grand frère et moi je m'appelle Dorian. On est Dorian oui. Ouais. Et puis il y a Gwenaël, oui, ça c'est un nom breton, ça. Ça n'a rien à faire avec la Bretagne. Mais... Non. Et après, il y a Kasper à la Kaspar. Comment? Kaspar. Gaspar. Nous, en suisse allemand, on dit Kasper. Kasper. Kasper. Ou moi, j'aime très bien Kaspi. C'est... Moi, j'aime bien parce qu'il est très grand et il est le plus vieux. Et Rashpi, ça donne. Et, ouais, le plus... Moi, j'aimerais bien dire une petite chose. Ok. J'aimerais bien dire que pour moi, parce qu'on a parlé de si on joue la musique depuis longtemps, je joue la musique depuis longtemps. Et pour moi, quand on parle des femmes dans les groupes, c'est un grand plaisir que je peux jouer avec Daria. Et aussi maintenant avec Amina, c'est qui est nouveau. Parce que là, j'ai jamais fait avant cette expérience d'être sur stage avec une femme aussi rayonnante que Daria. Même si elle ne veut pas parler, vous ne pouvez pas la voir radio naturellement. Mais Oui, c'est vraiment quelque chose de spécial. Et pour moi, c'est spécial parce que là, comme homme, je peux jouer pour une audience féminine d'une façon totalement différente, parce qu'elle est là. Elle est, et moi, je fais la musique juste pour... Oui, c'est tout à fait différent. Et je trouve que c'est très important qu'il y a... Oui, qu'il y a plus de femmes, parce qu'il y a une audience, une public, mm-hmm. Qui n'est pas vraiment adressée, mm-hmm. ou pas adressée d'un niveau sérieusement, mm-hmm. plutôt d'un niveau... Comment on dit belittle, comme on fait un peu, oui, c'est des femmes, ah là là là. Ils veulent ça, elles veulent ça. Bah, c'est pas la vérité. C'est qu'ils sont des hommes. Ouais. Bon, alors, voilà, vous voyez, c'est le problème. Ouais, donc, oui, c'est tout ce que je voulais dire parce que, à cause de la sagesse de ma. Ouais, de ma ouais. Non, mais je vous dis vraiment bien. Et, ouais. C'est aussi des gens qui aiment. mieux parler. Et des gens qui parlent avec leur instrument et qui ont vraiment une manière de parler sur scène. C'est... Peut-être aujourd'hui, c'est une petite histoire que je peux raconter parce que moi j'aime bien parler. Non, mais on était dans la rue, on a sorti les instruments pour venir ici. Et puis il y avait beaucoup d'enfants qui sont là et on était en train de décharger les instruments. Et puis il y a Darek qui a joué un peu d'accordéon. Tout de suite, il y avait, ouais, je sais pas, 10 enfants qui étaient autour, qui ont regardé, qui étaient intéressés. Il y a aussi des filles qui ont regardé. Je pense, là, les filles pensent aussi, ouais, c'est un peu un idole, peut-être, ça devient un peu idole. C'est... Oui, c'est ça qui est important. Oui, en fait, si je peux bien dire ça, c'est exactement ce que j'ai ressenti plusieurs fois. J'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me parler de Daria après les concerts. Pardon Daria, je sais que tu aimes pas ça. Mais on m'a dit plusieurs fois, effectivement, juste de l'aura, tu vois, et l'inspiration de genre, dans ce milieu qui est dominé par les hommes, d'être là. Alors effectivement, on est 4 hommes, et Amina est pas toujours là, malheureusement. Et du coup, ben, on a seulement Daria souvent, tu vois, et du coup, elle rayonne vraiment quelque chose, elle parle jamais. Vraiment, déjà là, c'est déjà hyper rare ce qu'elle a fait, là, de parler. Normalement, elle ne parle jamais. Mais elle n'a pas besoin, tu vois. Elle n'a pas besoin parce qu'elle parle beaucoup avec son saxophone et son accordéon. Et elle chante et elle donne. Oui, c'est vrai. Elle donne beaucoup. Et il y a plein, justement, de jeunes ou de moins jeunes femmes qui viennent, lui parler à elle en lui disant « Mais, ouais, tu es une sorcière, tu es une pirate, tu es inspirante, quoi. Tu es... » Et c'est ça. Ouais. Mais non, mais c'est vrai, on sent que ça vient des tripes hein, chez elle. C'est assez extraordinaire. Ouais. À fond. Ouais. Bah, du coup, venez nous voir en live, parce que c'est vrai que là, vous n'avez pas l'occasion, chers auditeurs, mais venez nous voir en live. Ok. On refait un... Ah. Moi, je voudrais demander en fait un truc. Donc, votre musique, en fait, c'est une musique qui attire le soleil d'abord. Depuis que vous êtes là, vous avez vu en Belgique, il n'a jamais fait autant bon. C'est rare qu'il y ait autant de jours de soleil comme ça. Mais par rapport à ça, les paroles, est-ce qu'ils sont attrait vraiment par rapport à votre musique ou bien c'est complètement aléatoire ou le sujet par rapport à ce que vous écrivez? Fou. Alors, par rapport à ce qu'on écrit, c'est... Bon. Ouais. On est quand même un groupe assez engagé socialement, politiquement, puis... mais on essaye de transmettre un peu notre message d'une manière plutôt plus positive, je sais pas comment dire, mais de toute façon on parle des problèmes sociaux aussi dans le monde entier et puis pour nous c'est un grand on a aussi la chance de pouvoir dire ça devant un public un peu devant un public et puis de transmettre un message qu'il y a des problèmes sur ce monde et puis il faut les résoudre. Oui. Mais il faut les résoudre d'une façon activement et positivement aussi. Ah oui. Donc c'est joindre l'utile à l'agréable, ouais. L'agréable à la musique et l'utile le texte en fait. À fond. Et du coup il n'y a pas que ça parce que par exemple Grégoire il est aussi maraîcher. Ah oui. Donc tu vois il travaille la terre et il a ses deux pôles tu vois. Entre travailler la terre et puis exprimer ça avec la musique. Donc il y a aussi... Ben, tu vois, il peut exprimer des choses qu'il voit concrètement, ce qui se passe, tu vois, et après les exprimer devant un public un peu plus large. Et voilà, enfin, ouais, comme il a dit, quoi, il reste... Mais tu vois, pas pour rien qu'on était à la petite foire. Et que devient la terre quand tu es en concert et en tournée? Que devient la terre quand tu es en concert et en tournée? Ouais. Ça c'est un problème. Parce que la terre elle attend pas. Hein. Bah oui, c'est ça. Il faut toujours être là. Il faut toujours être là. C'est un sacré boulot la terre. Ouais. Mais heureusement on est. Je suis pas le tout seul qui va faire ça. Ouais, c'est ça. C'est bien. Il y a des gens qui t'aident pour faire la terre pendant que tu n'es pas là. Voilà, ouais. C'est super. On repasse un petit morceau ou une chanson. Oui. Vous voulez ça plutôt. Ouais. Une quoi? On fait nous une chanson ou... On a Cumbia Piquetero qui Piquetero, ouais. Qui peut-être tu peux perdre un mot sur parce que ça c'est assez politique aussi. Ouais, Piquetero c'est une chanson. Ça parle un peu des réalités ouvriers ou des réalités des gens qui ont besoin de travailler mais qui attendent. Il y a des endroits dans le monde où les gens ils attendent le travail à côté de la rue pour qu'un jour il y ait quelqu'un qui passe et puis le paye quelques pièces. Et en même temps, c'est aussi. Un peu en lien avec un mouvement en Argentine, Piqueteros. Et voilà, ce mouvement qui a réuni les gens, puis pour bloquer des usines, pour bloquer des rues, pour faire des bruits et pour justement demander des, aussi du travail, entre autres, mais bien plus large que ça. Mm-hmm. Un mouvement social assez large. Oui, oui. Como siempre retozando día por día, de para al lado esperando que alguien le pique de nuevo y alimenta la esperanza con moneda. En la calle no se muere, en la calle se aprende a vivir sin unidad. Si ya yo soy madera y te llaman mano negra, te tratan como culebra y tú esperando que alguien le pique. Pique, pique. Antes de volver a la sombra, dámelo, dame tu mano, me gustaría bailar con tu huella, quédate un poquito más antes de volver a la sombra. Te veo en los campos siempre avanzando, día por día, te paras al lado esperando, y al de pica de nueva y alimenta la esperanza con moneda. En la calle no te muere, en la calle se aprende a vivir sin unidad, sin techo ni bandera. Y te llaman mano negra, te tratan como culebra. Y tú esperando que alguien te pique, pique, le pique. Dámelo, dame tu mano, me gustaría bailar. ça fait du bien, hein. C'est quand même pas mal. Alors, vous avez quoi à dire, là, les hommes? Ben, pas grand-chose, c'est juste génial que vous êtes là et que ça passe bien dans le petit studio, en fait, qu'on a. Ouais. Ouais, c'est super. Ben oui, c'est... familial. Et on va pas fêter bientôt les 40 ans de la radio? Ah oui, l'année prochaine. L'année prochaine, on leur demande de venir. Ben oui. Voilà, on fait une fête. C'est la tournée de l'Espérance. Voilà. On est là, On les invite, hein. Oui, avec plaisir. Oh là, là, il n'y a pas une panne d'électricité. Non, ouais, l'année prochaine. Ok. Ouais. Oui, on va faire ça en même temps que l'Espéranza, comme ça, ça vous invitera à venir deux fois. Je ne sais pas quand est-ce qu'on... Des choses comme ça, ça aide beaucoup. Oui. Oui, vous savez. Oui, mais c'est plus 40 ans, ça se fait. Pardon ? 40 ans de radio. 40 ans de radio, oui. Enfin, ce n'est pas nous qui faisons. Pas nous, pas nous. Nous, on n'est pas 40 ans de la radio, mais la radio existe depuis 40 ans. Oui, oui. C'est une radio libre qui a été créée notamment... pour pour communiquer avec les prisons. Donc c'était une radio complètement libre qui était complètement pirate au début et donc les personnes qui ont créé cette radio invitaient des membres de la famille de prisonniers et faisaient des rencontres par téléphone au niveau des prisonniers ici dans toutes les prisons ici à Bruxelles. Et il paraît que c'était des fois complètement fou parce qu'il y avait un monde fou dans la radio qui venait pour parler à son frère, qui à sa mère, à qui à son père. Voilà. Wow. Et c'est comme ça que Radio Air Libre est née. Voilà. Wow. Il y a 39 ans et donc 40 ans bientôt. Et puis maintenant, c'est une radio avec plusieurs émissions, des émissions latino-américaines, africaines. Arabe, portugaise, anarchiste. Comme ce soir. Comme ce soir, et puis d'autres, voilà. Voilà. On tient toujours le coup. On arrive quand même toujours à tenir le coup. On n'a pas toujours été. On n'arrive pas à être viré par les autorités de la Belgique. Donc, c'était quoi votre phrase? Mettez l'État. Non, il y avait une phrase que j'ai trouvée. Dans le WC. Et laisser les WC propres. Ah oui, dans l'état. Laisser les WC dans l'état que vous allez trouver. Laisser l'état dans les WC. Enfin, ouais. Laisser l'état des WC dans lesquels vous les avez trouvés. Ouais, voilà. Mais okay. Est-ce que vous pouvez encore répéter les dates là, de demain et après-demain à Bruxelles? Ouais, demain c'est à 20h au parc, à la guinguette du parc du Forest. Parc de Forest. Mm-hmm. Et vendredi à 21h à l'Archiduc, aussi à Bruxelles. Et ça, c'est l'Archiduc, c'est un truc fermé, ça? Non, c'est au centre-ville. Ouais. Ça a peut-être été fermé à un moment. Mais fermé, c'est-à-dire que c'est en intérieur, c'est pas en extérieur. Ouais, non, c'est à l'intérieur. C'est un jazz club. Oui, c'est un club, c'est ça, l'Archiduc. Vieille, c'est 30. Oui, c'est un truc. Oui, c'est ça, mais c'est un truc en intérieur, c'est pas en extérieur. Ils sont mal et aujourd'hui, c'était où? Et il vous connaît. Il connaît le radio, il a dit. Est-ce que la personne qu'on a parlé là. Il connaît la radio? Il connaît l'air libre. Ah, il connaît l'air libre, mais on est connu. Voilà, et puis samedi, c'est dans une ferme en Ardennes. Et la semaine prochaine, on est encore à Bruxelles le mardi chez les hiboux. Les hiboux? Ouais. C'est où les hiboux? C'est, je sais pas, c'est à Skarbek. Skarbek. Ouais, mais je sais pas exactement. Je pense qu'ils ont dit, ils ont dit, devant la maison, il y a un hibou. Et si tu vas chercher en Bruxelles un hibou, une statue de hibou, tu vas trouver la fête. Ah bon? Mais vous savez quelle rue c'est ou moi? Ouais, c'est Ouais, c'est ça. Et sur notre site et sur Facebook, surtout, c'est actuel. On a un site Facebook. C'est une maison? C'est c'est une maison qui organise des concerts. Ah, c'est une maison qui organise des concerts. Ah, ok. Et puis, mercredi, on est à Liège encore. À Liège. À la Quilonne, ouais. Ah, ok. Ouais. Super. Et après, vous allez en Autriche, c'est ça? Non, après, on rentre en Suisse. On rentre en Suisse. Et après, vous partez en Autriche. On rentre en Suisse. Et après, en... vous allez en Bolivie. Ouais. D'accord, en France et Bolivie. Oh là là. Ouais, encore du boulot, oui. Ouais, c'est vraiment du boulot, ça, c'est ça, oui. Ouais. Super, super. Mais Hans, on en fait encore une. Vas-y. Non, non, moi je demandais en fait, parce que tu as parlé de ton site, mais tu n'as pas donné le nom du site. Le site, ouais, on a un site, hermanosperdidos.com, et puis sur Facebook, vous trouvez aussi Facebook Hermanos Perdidos. Okay. Et quand on n'a pas Facebook, c'est embêtant. Hein. Il y a le site. Non, mais c'est ouvert, c'est, il ne faut pas avoir Facebook pour voir les dates. Ah ouais, d'accord. C'est, okay. C'est comme une site internet. Hein. Ouais. Et vous avez fait des CD déjà, c'est ça que tu avais dit tantôt? On a un CD avec nous, oui. Qui s'appelle Hasta la Libertad, on a enregistré il y a un an, un peu plus qu'un an, et ce qu'on a avec nous. Ouais. Et vous distribuez comment? Juste quand vous faites des concerts, c'est ça? Oui, il y a aussi, on peut, si alors, vous nous écrivez, on peut... À Bruxelles, ouais. Si je peux dire. Pour tous les auditeurs bruxellois, vous pouvez trouver notre CD, si vous nous écrivez, à info@hermanosperdidos.ch. On a un point de collecte à Bruxelles, si jamais. Oui. Vous pouvez commander le CD. Okay. Et puis alors, c'est à rue Cardinal. C'est une coloc, c'est des amis. Ah, c'est une coloc. Oui, ils vendent, ils ont nos CD. Mais sinon, alors effectivement. Dans les concerts, ouais. Dans les concerts. Ou bien, à prix libre, le toujours CD. À prix libre. Ouais. Okay. Tous les t-shirts aussi, tu vois, on a des t-shirts. Ah, avec le... Ok. On a fait nous-mêmes. Ouais. On a des sacs qui ont été faits par un atelier de personnes handicapées qui sont aussi à prix libre. On a tout qui est à prix libre en fait. Vous êtes une vraie entreprise. Bah écoute, on a des savons. On a des savons. On a des quoi ? Des savons. Mais ceux-là, on les vend moins bien. Mais on utilise parfois. Ouais, voilà, on utilise parfois les savons. Non, mais tu sais, c'est vrai que bah, sur la tournée, ça. Ça paye un peu d'avoir bah, du coup les CD, prix libre. Les gens en général ils jouent assez bien le jeu. Mmh. Le t-shirt et les sacs aussi. Mmh. Et puis ben, on n'arrive pas toujours à avoir un cachet. Tu vois, on est 6. C'est quand même. Ça prend des gens. Non, non, mais je dis ça. Ouais, ouais, non, mais t'as raison. Mais c'est pour ça que j'explique un peu aussi que ben, tu vois, ça fait partie en fait de vendre un CD, de vendre des t-shirts. C'est pas que. Parce que là en plus on a fait vraiment de A à Z une démarche assez cool, tu vois. Donc. Ça nous coûte aussi de l'argent, mais les gens, ils jouent le jeu. Ça, c'est un truc très cool. C'est que les gens, ils jouent le jeu avec le prix libre et bah, ça nous permet de, voilà, d'avancer. On ne sera jamais millionnaire avec le prix libre, mais ça marche bien pour voilà. Que, bah, on puisse accepter des dates et des, okay. Et des, voilà, des trucs qui payent un tout petit moment bien. Ça va. Super. Bon, alors, on en refait une... Peut-être la dernière, non? Parce que... Il est quelle heure? 47. Alors, vous avez 10 minutes pour faire la dernière. Bon. Bah, on peut jouer encore des heures. Hein. Le bosque, non. Combien d'El Bosque? Ouais. Allez. Parce qu'on a. Une autre chanson chante des batailles. Ouais. Oups. Oui. Combien d'El Bosque? Perdido en el tiempo, buscando el camino. sendero que sigue hasta la verdad. Tengo un engaño, corre, pero no quiero pagar. Quiero que quiero lluvia andante y salvaje. Tengo un engaño, brazos que no me lo cortan. Soy, soy, soy la sangre de tu. Buscando el color azul del cielo, rayas de sol, calor de la tierra, luz que alumbra, me salva de la sombra. Tengo un año y tengo cobre, pero no quiero pagar. Quiero que quiero lluvia andante y salvaje. Tengo un año y tengo brazos que no me lo cortan. Sol, sol, sol, la sangre de tu vida. Sin futuro, manos sin sentido, ojos sin colores, boca sin palabra, letras sin futuro, manos sin sentido, ojos sin colores, boca sin palabras. Tengo un engaño cobre, pero no quiero pagar. Quiero que quiero lluvia andante y salvaje. Tengo un engaño brazos que no me lo cortan. Soy, soy, soy la sangre de tu vida. Tengo un engaño cobre, pero no quiero pagar. Quiero que quiero lluvia andante y salvaje. Tengo un engaño brazos que no me lo cortan. Soy, soy, soy la sangre de tu vida. Merci, merci beaucoup, c'était super. Merci à toi. Merci à vous tous. Ouais. Non, c'était super et on est très très contents que vous soyez venus. Au moins, ça nous change de nos émissions un peu tristes souvent. Oui, parce qu'on parle de choses qui ne sont pas très drôles, c'est tout ce qui se passe dans le monde, voilà, dans la société. Voilà. Oui, mais vous, c'est en chantant, alors ça passe mieux. Voilà. Non, non, c'était super. Bah, écoutez, on vous souhaite plein de succès, plein de bonnes choses pour la suite. Et, et on espère qu'on se reverra quand même. Parce que, voilà. C'est sûr. Ouais. Ouais. Non, non, il faut. Ouais. On ne perd pas le contact en tout cas. Voilà. Donc on va terminer. Hein. Ben oui. Il n'y a plus rien à dire à l'émission. Hein ? Les hommes, non. Bon. Bah voilà, ça va. Voilà. Bon, écoutez, voilà, c'est fini. Dommage, on peut pas aller trop loin parce qu'on a un voisin au-dessus qui veut peut-être pas qu'on continue plus loin parce qu'il a besoin de dormir. Et donc, on se retrouvera la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, nous ne serons pas là. On va vous passer un reportage préenregistré sur une grève, la grève des femmes en Suisse. Ah, ah Ça, c'est fantastique. En fait, moi, j'étais pas en Suisse quand il y a eu la grève des femmes, mais j'étais au 1er mai en Suisse, à Zurich, et on m'avait donné un papier sur la grève des femmes. Et c'est pour ça que j'avais demandé qu'on en parle, et on en avait parlé un peu, mais là, on a reçu des reportages qui viennent directement de Suisse, justement, préenregistrés, qu'on va rediffuser ici à la radio, mercredi prochain. Voilà. Parce que ça a été un très très beau succès en plus. Sur place, c'était trop beau. Sur place, c'était trop beau. Vous avez joué aussi sur place ? Le soir avant. Ouais. C'était waouh, et on a été dans la manifestation après. Moi, j'aurais bien aimé être là à ce moment-là, mais le 14 juin, je pouvais pas être là, malheureusement. J'espère que ça, c'est une inspiration pour justement les autres femmes. Ouais. Oui, je sais, ça a été... Ouais, parce que j'ai un ami qui aime beaucoup la Suisse et qui regarde toujours les informations suisses le matin, à 7h du matin, sur TV5 Monde. Et alors, il est au courant de tout. Et c'est vrai qu'ils ont montré toutes les images de ces manifestations en Suisse. C'était quand même assez impressionnant. Voilà. Vive les femmes. Oui, ouais. Bon mot de la fin. Bonne soirée à tous. Au revoir. Vous êtes à l'écoute de... De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal.